I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame yeah. ain't something that I need no more. Yeah, cause trick? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Doja Cat, Paint the Town Red. À l'instant sur Move, c'est Bang Bang. Merci d'être avec nous. 18h45. Bang Bang. Bang, bang. Et passez un très bon mercredi. Si vous êtes de retour du taf, des cours, vous êtes les bienvenus. Tombez à pic pour le conseil du jour d'Olivia. Le conseil du jour qui concernera aujourd'hui, visiblement, d'après ce que tu nous as dit, les toilettes, l'écologie et non, la propreté. L'hygiène, n'est pas l'écologie. Si, t'as dit écologie. Non, l'économie. Bon, d'accord. C'est économique, quoi. Okay. C'est ça que j'ai voulu dire par là. Bon. Souvent, économique rime avec écologique. On gâche moins, on économise. Ouais, mais enfin, c'est surtout que voilà. Alors, va droit au but. Ne te laisse pas retarder. Conseil du jour. Alors, il vous est sûrement arrivé au cours de votre vie d'arriver aux toilettes et de vous retrouver face à cette horrible odeur calcaire et tous ces amas qui s'agglutinent au fur et à mesure de l'année ou de la semaine dans vos toilettes. Alors, ouais. Vous avez deux options. Oui, vous avez cette option tristement économique d'acheter cet horrible desktop que vous allez déposer, nanani, nanana, pour enlever toutes les saletés. Mais vous avez une autre option que je vous délivre aujourd'hui de manière totalement gratuite, qui est une gousse d'ail. Alors, vous prenez un petit peu d'ail, parce qu'une gousse, c'est le truc entier. Non, justement. Okay. Alors parfait, je une suis Une gousse, bon. C'est la petite. Voilà, alors vous prenez... C'est le gros, c'est la tête d'ail. Voilà, vous prenez une tête d'ail, vous décrochez une gousse d'ail, vous balancez la gousse d'ail. Est-ce qu'on l'épluche? L'ail. Oui. On enlève la peau. On enlève la peau, pour que vraiment l'ail il s'émane de totalité. Pas sûr de toi là. Non, non, parce qu'il fallait que je me rappelle ce que j'ai vu, et oui, il faut enlever la peau. D'accord. Il faut enlever la peau, vous le balancez dans les toilettes pendant une vie nocturne ou alors une absence prolongée totalement. Très bien, ouais. Et le lendemain, tout a disparu. Odeur, champignons, problème de calcaire. Et si jamais il reste quelques traces, un tout petit coup de balayette et tout part direct. Et là, c'est révolutionnaire. Là, il est parti où? Parti dans le trou? Ah bah non, là, il est toujours là. Après, tu tires la chasse, on n'en parle plus. Hein. Ok. Mais voilà. Genre, pendant que ça agit, ça sent ou il y a une odeur et tout ou... Ah bah je suis pas resté à côté de la toilette pour voir, Barreau. Tu reconnaîtras que j'ai pas que ça à faire. Mais c'est une technique qui apparemment est révolutionnaire, économique, parce qu'on a tous une gousse d'ail, une tête d'ail chez soi. Tous. Tous. Absolument. On a une tête d'ail. Même moi, j'en ai une. Alors que je fais que des omelettes. Donc bon. Et vous foutez ça là-dedans et puis on n'en parle plus. Après, je sais pas si ça marche avec l'ail moulu, mais à tester. Non, je pense pas. En tout cas, apparemment, il y a plein mais de. Ça enlève le calcaire? Ça enlève tout. Les traces? Tout. Tout. Ça nettoie vraiment les toilettes. C'est vraiment révolutionnaire. Alors, à vos toilettes et puis revenez vers moi pour voir si ça fonctionne. J'ai envie de te croire. Moi aussi. J'ai envie de te croire. Ça fait vraiment. Plaisir, c'est rare. Même si j'ai bien compris, t'as essayé de nous arnaquer un peu, que tu l'as jamais testé. Ah bah non, je l'ai pas testé. T'as dit, je suis pas resté comme si tu l'avais fait. Bah, je suis pas resté à côté des toilettes toute la nuit. Bah évidemment, de toute façon, je l'aurais pas fait. Mais je vais le tester si vous voulez dès ce soir et vous donner des infos. Bah t'as des toilettes en mauvais état. Pff, ouais. Ouais. Ouais. Hein. Un peu de calcaire. Hein. Bon. Pas vous mentir. Bah non, on nous ment pas, ça sert à rien. On se ment pas. Bah non, mais j'avais pas de lumière pendant un certain temps, alors c'est vrai qu'on voyait pas bien. C'est vraiment pas une excuse suffisante. Merci pour ce conseil du jour, Olivia. Dans un instant, on parle featuring de rêve. Restez connectés. En plus, on vous fera réécouter le feat de rêve qu'on a fait en début de semaine, là, le Patricia Caris. Ah, Patricia Cass, featuring Caris. C'est quand même quelque chose, c'est une petite œuvre, hein, on peut se le dire. Ça arrive dans un. Ensuite, petite œuvre. Une petite œuvre d'art, une pièce de musique de collection. Voilà. Leto avec Kobalade en featuring Immonde, c'est ce qu'on écoute maintenant sur Move. Passez une très belle après-midi avec nous. Bang bang. Kobalade tout dans ton bendo, mets le fond à fond, coupe le bédo. Rendu reverser le bateau, on prend toutes les parts du gâteau. Les fers c'est du gâteau. Winterfell ma fille à château. Parle de Saint-Ouen côté nord du périph', si tu nous dois ça peut monter chez toi. rien n'a changé à part ça. Les bolos défilent comme des mannequins, cassés comme une paire de requins. C'est pas Nam là, c'est pas les ricains. J'arrive à bord d'une grosse allemande. C'est pas un vrai s'il crache dans ton dos. T'as fauté, tu te manges une salamande. Je retire ma queue, j'ai craché sur son dos. Sur la vie de ma mère, qu'on va les faire s'ils jouent trop. Ma cagoule à trois trous, mais on tolère aucun trou. Grandi dans l'illicite, c'est les petits qu'on incite. On a pris gros risque à cause. J'irai faire toutes les alliances, même si c'est au bout du monde. Avec le bénéf de la semaine, sur la dernière Nike à la mode. Mon Dieu, dis-moi, pourquoi ce monde est immonde. Mais nique sa mère, je suis dans le cheport, y'a tous les modes. Les balles pleines, encore une famille mise en pleine. Ça fait que de faire dans mon secteur. Faites les keufs, dans nos poules, qu'on chante en cœur. J'crois qu'on est mort. J'ai grandi dans la street. Les bagarres, les descentes, la belle stress. C'est le pédo ou la Game Boy. Donc dehors à 11h30, j'coupe la quête de frappe en tranche. Polo, ça tourne de rouge. J'ai trop bossé, j'ai trop géré. Ces anges dégainent ma première lock. Minuit, je ferme, je récupère. Je compte, rejoins mes accamantes. J'fais une croix dessus pour la couper en deux. J'roulais sans la clim dans la Clio 2. Maintenant, j'ai les sèches qui chopent dans la GT. Sur la vie de ma mère, qu'on va les faire s'ils jouent trop. Ma cagoule a trois trous, mais on tolère aucun trou. Grandi dans l'illicite, c'est les petits qu'on incite. On a pris gros risque à cause. J'irai faire toutes les adresses, même si c'est au bout du monde. Avec le bénéf de la semaine, sur la dernière Nike à la mode. Mon Dieu, dis-moi, pourquoi ce monde est immonde. Mais nique sa mère, je suis dans le cheport, y'a tous les modes. Les balles pleuvent, encore une famille en pleurs. Ça fait que de faire dans mon secteur. Faites les keufs dans nos pôles, qu'on chante en cœur. J'crois qu'on est maudits dans nos secteurs. Junior à la boîte ça, I would spread that shit to every girl that I meet, so they would know how to be. That shit tastes fresher than a peppermint. If you want me to kiss it, I'm not hesitant. I know you're kissing me back, just like that. And I got every other thing that I need and want for you. I've been wanting you, so what you wanna do tonight? Make this the moment of your life. And I got every other thing that I need and want for you. And I've been wanting you, so what you wanna do tonight? Make this the moment of your life. Show you my secrets, can you handle it? I don't wanna hide. Always been a good girl, but I got a bad side. Can I show you, baby? I'ma guarantee you won't forget. I don't wanna taste, I want the whole damn thing. I don't wanna fight how I feel with you. If you're right, what you want for tonight? Girl, every other thing that I need and want. You, I've been wanting you, so what you want me to do tonight? Make this the moment of your life. Every other thing that I need and want from you, baby. I've been wanting you, baby, so what you want me to do tonight? I'll make this the moment of your life. Do you right? It's nothing like. is the moment of your life. Dernier son de Brent Faiyaz à l'instant, c'est ce qu'on appelle chez nous du miel. Ah oui. Je vois pas d'autre appellation que ça, c'est du miel et je peux vous dire que ce miel-là, il est bel et bien biologique. Jusqu'à 18h45. C'est les petits apiculteurs, là, des petites régions, là, nos régions, tu sais, nos régions ont du talent, c'est eux qui font ça, oui. C'est grâce à eux, les apiculteurs. Merci à tous les apiculteurs de France qui nous écoutent et on sait que vous êtes très très nombreux. Et très courageux, parce très que courageux. Putain, traîner avec les abeilles, quelle angoisse. Non, il y a des protections pour ça. Oh. Est-ce que c'est le débat? Je ne pense pas. On va parler featuring de rêve si vous le voulez bien. Chaque semaine, plusieurs fois par semaine d'ailleurs, on vous offre des featuring de rêve, c'est-à-dire des collaborations qui n'existent pas dans le paysage musical entre deux artistes qui ne se seraient jamais rencontrés. C'est exactement ce qu'on a fait, par exemple, lundi avec cette auditrice Léa. J'ai pas oublié son prénom parce qu'elle a été très très créative. Une gâchette. Elle voulait absolument découvrir un featuring de rêve entre Caris et Patricia Cass, celle-là elle-même renommée Patricia Caris. J'aimerais qu'on le réécoute. Peut-être que ça va vous donner un peu d'inspiration pour ce que vous allez nous proposer par la suite. Patricia Cass featuring Caris. Écoutez-moi cette histoire des plus toxiques. Il joue avec mon cœur. Caris. Il triche avec ma vie. Bang, bang. Il dit des mots menteurs. De sept. Et moi je crois tout ce qu'il dit. Quand elle rentre, ça fait blow, blow, blow, blow, blow. Skill. Tiens mon automatique. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Vite. Non, non. Caris. Jalabi, Jalabi, Jalabi, ma chérie. Jalabi, Jalabi, faut qu'on fasse du wari. Jalabi, mes amis, mes ennemis. Je ne sais plus qui est qui. Faut qu'on fasse. La manière de danser. Tout ce qu'il me dit. C'est vulgaire, hein. Mais c'est surtout sa voix, mais moi j'ai cette nonchalance. Non, mec, à moi. Te laisse tirer sur ma chicha. Et tu veux plus me rendre depuis, oh. Sa façon d'être à moi. Caris. Sans jamais dire je t'aime. Je t'aime. Du cinéma, mais c'est du pareil. Oh, y'a de la meuf partout, y'a des seufs partout. Mais je ne pense qu'à toi quand je suis dans ma loge. Trop tard, Caris, trop tard. Depuis que tu m'as quitté, mon cœur s'est arrêté comme une horloge. Une histoire d'amour toxique qui termine mal. Patricia Cass, Caris, Patricia Caris. Le featuring existe bel et bien, ça y est, grâce à Bang Bang. Si vous aussi, vous voulez faire partie de l'histoire et nous proposer votre featuring de rêve, bah c'est très simple, vous le faites maintenant. Vous envoyez un petit message à Olivia qui est derrière le téléphone. Sur le téléphone, il y a Snap, il y a WhatsApp. Snapchat, comment on fait pour te contacter? Move Radio, MOV RADIO. Voilà, et puis WhatsApp, voilà. 06 11 11 59 98. Voilà, c'est fait. Vous avez deux solutions pour nous contacter. À chaque fois, en tout cas, c'est un message vocal qu'il faut nous envoyer, dans lequel vous proposez votre featuring de rêve à vous. Les deux artistes qui n'ont rien à voir, des époques différentes, des styles différents. Vous mélangez tout ça et ça donne un featuring de rêve. En attendant tout ça, on va écouter un petit peu de son et dans un instant, c'est promis, on écoute vos messages et puis on se met au fourneau, on cuisine. J'ai un petit souvenir à vous proposer là maintenant, retour en 2015 si je me trompe pas, avec Nekfeu. On verra sur Move. On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont faits tard. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps, comme commande du temps, comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Je suis prêt à te casser les couilles si t'as vu, je te laisserai pas conduire. Le temps ça file, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Ça vit pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien. Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre. Plus on se rend flou et moins on voit clair. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui tapent à droit. Combien de fois

you don't want the limelight. But if you knew it, she lives a lie. She calls a paparazzi, then she acts surprised. Oh, oh, I know what she needs. She just wants the fame, I know what she thinks. Give a little taste, running back to me. Put it in the face, pray it's all to keep. Ooh, ooh, every night. She prays to the sky, flashing lights. It's all she ever wants to do. Begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me. I know that you see me. Time's gone by. Spent my whole life running from your flashing lights. Try to own it, but I'm alright. You can't take my soul without a fucking fight. Oh, oh, oh, oh. I know what she needs. She just wants the fame. I know what she thinks. Give a little taste, running back to me. Put it in the face, pay yourself to keep. Ooh, ooh, every night, she prays to the sky, flashing lights. It's all she ever wants is begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Money on top of me, money on top of her. Money on top of me, money on top of her. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Shawty fuck with me cause you know I'm popular. Eating it, money, I'm keeping it. I'm getting cash, I'm keeping it. Money on top of me, money on top of her. Charlie fuck with me cause you know I'm popular. Popular, born to be popular. She ain't got 20 mil but she run it up. She can never be broke cause she popular. Turn that webcam on for the followers. Begging on her knees to be popular. That's her dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell her soul to be popular. Popular. Just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. The Weeknd. Madonna et Playboy Cartier à l'instant, c'était populaire sur nous. Jusqu'à 18h45. C'est pas ce qu'ils disent. Très belle vocalise, mais c'est presque ça. On n'en est pas loin en tout cas. Vous êtes sur Move, c'est Bang Bang. Merci d'être avec nous. On a eu pas mal de messages pour le featuring de rêve. Comme d'habitude, vous êtes très très nombreux et très créatifs en général pour nous faire des propositions. Le featuring de rêve, on vous le rappelle, c'est vous qui devez le proposer. Deux artistes qui n'ont absolument rien à voir. On mélange tout ça, on fait une petite cuisine avec et on vous l'offre, ce featuring de rêve. C'est ce qu'on va faire là avant la fin de l'heure. J'ai envie d'aller très très vite sur celui-là. Qu'est-ce qu'on a ? On a un message de Coco. Coco. Hello l'équipe de Bang Bang. Moi salut, j'aimerais Coco. Trop un feat de rêve entre Queen et Orelsan. Mmh. Donc si tu peux me faire ça, vu que ça ce serait trop cool. Mmh. Bisous la team. Queen, groupe légendaire, pop britannique. Orelsan, quand la Normandie. C'est ce que j'allais dire. On mélange tout ça, c'est possible, hein. C'est tout bon. Est possible. Ouais, le challenge, je l'accepte. Avec une casserole que tu tu te trimbales. J'ai besoin de toi, justement. Passe-moi la grande gamelle qu'il y a à ta droite. Putain. La grande gamelle. Mais voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, mon Dieu. Merci. C'est celle-ci que tu. Oh, stop. Ah. Tu la cognes contre le micro, là. Pas d'intérêt. Voilà. Tu peux mettre le thermostat à 180, s'il te plaît, sur le four derrière. Chaleur tournante. Chaleur tournante. Voilà, très bien. Je m'occupe de tout ça, en tout cas. Là, tu fais préchauffer. C'était le thermostat à 180. Ouais, c'était le thermostat, ça. Mais c'est un gros four professionnel qu'on a. Ok, je vois. Ça fait énormément de bruit, hein. Ça, c'est tout ce qui est matériel professionnel, ça fait du bruit de toute façon. C'est pas le faut four qu'on que sente la vie. C'est pas le four que t'as dans ta cuisine, hein. On est vraiment sur quelque chose de correct. Bon, je m'occupe de toi en tout cas. Queen, Orelsan. Vraiment, pour Emma en plus qui cuisine si bien. Je parlais de la cuisine de Barreau. Ouais. Sa cuisine à lui, je parlais pas de sa maman. Je vais pas mettre sa maman dans les histoires. La dernière fois, elle a fait à manger. Elle nous a fait à manger en plus, elle nous a régalé. Bon, on s'en occupe en tout cas et on l'écoute dans quelques toutes petites minutes. J'essaie de faire ça. Allez, le temps d'écouter le Will.i.am, là, Mind Your Business avec Britney Spears et Jewel Hussein juste avant. C'est ce qu'on se fait maintenant sur Move. Passez une très belle après-midi avec nous. Belle fin d'après-midi. Vous êtes de retour du taf. Restez connectés avec nous. Il y a plein de gros sons et puis plein de belles choses qui arrivent aussi juste derrière. J'écris steak sur le type beat d'un mec que je mets à la menthe. Ils me trouveront fort quand je serai à la mode ou bien à la morgue. Dans le ciel, serre-moi un bon thé, j'aime bien la menthe. Je m'en fous de qui tient la rampe ou de ce qu'il y a avant. Intéresse-toi aux mecs qui sont derrière et qui viendront te stabber dans le dos. Ils parlent de chiffres, ils voient que dalle. Ces fils de putain ignorants sont enfermés dans le dôme. Mais ils aiment bien la vente. T'entends, mon négro aime les gros mots, il tire pas la langue. Comme Gilbert, je connais les billets même en louchant. Pain de sang, je fais mouiller vos rappeurs en les touchant. Dans l'ombre depuis tout ce temps, mais je suis toujours en feu quand faut rapper. Pourquoi tu tousses tant? À vos rap, on fait feu, vous partez. Promets en sport et en chant ici tout ce temps. Yeah. J'envoie des racles et pas de douce trempe. On fait manger vos guetteurs, il est 12-30. C'est bitch à mon cou spande. Comme si j'étais un porte-avions, tu vas jouer les portes savon dans les douches où tout spande. Nous quand on arrive dans les parages, tu fous le camp. On te fait lever les deux jambes comme Loukan. Le studio c'est le bootcamp. Yeah. Et si tu sors gain, je vais tellement te gifler que tu vas m'appeler daddy comme chien. Je produis un caillou pur, pas de ce morchum. Je repense à ceux qui jouaient les stars, je regarde les stats et je me dis que certains sont morts jeunes. Je les aimais bien avant. Mais tu connais l'industrie, a fait tant des géris. Puis les digères, les rangéliques. Qu'est-ce que tu cherches? Leur frotter le brushy n'en fera pas tant des génies. Donc je me contente d'envoyer la semence quand la petite Jamie. Vive la renaissance. Je repeins les femmes nues, je me sens comme Botticelli. L'important c'est que j'y suis, c'est pas le temps que j'ai mis. Et je m'arrêterai lorsque mes problèmes feront le même bruit qu'une Mustang Shelby. Je sais ce que tu cherches. Ton Éléonore. Seulement, t'es loin d'être le seul. On sait comment gérer la pression. Face à carnivore, on les rend flex si t'as rien. Avec un ton sans ossement, repart avec les ossements. Repart sans sauce, non, des mains à la caisse, on flex si t'as rien. Intéressant, on sait que tes ossements. Doucement, mais dans la durée. Là, c'est très bien, y'a pas de lumière. Seulement, je les supplierai pas pour qu'ils viennent allumer. Y'a des snakes qui perdent leur peau sans parler de muet. Je bosse mes punchs comme un boxeur qui a la rage de voir son match annulé. Je veux pas pioncer dans les caisses à perpétuité. Le sang sous les pansements coule l'imperpétuité. Faut avoir les épaules pour nous imiter. Ces bouffons sont limités. On envoie la purée. Vos appuis sont trop fébriles. Pour avoir les vêtements, les bijoux que l'on fait briller. Sous les vestes en cuir que le soleil fait brûler. Dans un verre pull et sur vêtements. Ah là ça suce bêtement. Assume pleinement que tu suces maintenant. Elle se disait professionnelle. Je t'assure qu'elle ment. Je voulais briller, je parlais que de ça, je vois les billets dans les caisses. Je suis devenu un homme rapidement, tous les feux je voulais briller. Habilement, je voulais les flingues comme dans les films. Ceux qu'on planque sous les vies, la terre tourne mais les négros font du surplace. Comme les billets, courant après la monnaie sur glace. Les chants à l'appartement, apparemment quand ils sont prêts à jouer les Vendéens, on les surclasse. Move. Where she at? There she go. What she do? Too much watching me, watching you. Mind your business. Mind your business. Too much looky, get up off me. Too much watchy wah. Hands up in the cookie jar. They watching me, they watching y'all. They got eyes up in the sky, so pose for that camera. They follow me. Downtown, everywhere I turn around. Hollywood, London, snap, snap is the sound. Paparazzi shot me, I am the economy. Follow me. Where she at? There she go, there she go, there she go, there she go, there she go. What she do, what she do, what she do, what she do, what she do. Too much watchy, watchy, watching me, watching, watching you. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your business, ness, mind your business, business. Mind your business, business. Mind your business too. Mind your business, business. Mind your business too. Mind your business, business. Too much looky looky. I'm so sick of all these looky loos. Everybody looking at me like I was the breaking news. Police got a sting, watching every step I take, every move I make, every breath I take. If they don't get up on my face, I'll send the dogs out. 5 seconds and then the dogs come out. You know what happens when the dogs come out. None of your business. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your business, ness, ness. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your beat, mind your beat, mind your beat, mind your beat. Mind your business, ness, ness. On est sur Move, merci d'être avec nous, William Britney Spears à l'instant. Bang bang. Ah ouais, bang bang. Jusqu'à 18h45 sur Move avec Muxa, Olivia et Baron. Ça a été vite, ce sera certainement le featuring de rêve le plus rapide de l'histoire. Oui, on nous a demandé un petit feat là il y a quelques toutes petites minutes. On va réécouter le message de Coco, Clo-Clo. Coco, hein, qui était avec nous tout à l'heure et qui nous a demandé son feat de rêve. Hello l'équipe de Bang Bang, moi j'aimerais trop un feat de rêve entre Queen et Orelsan. Donc si tu peux me faire ça, mais que ça ce serait trop cool. Bisous la team. C'est fait, évidemment c'est fait. Ça a été très très vite parce que très inspiré par Queen, très inspiré par Orelsan. On mélange les deux et ça nous fait un petit feat comme on les aime chez nous. Une collaboration incroyable. On va évidemment amener Orelsan dans l'univers de Queen et ça donne un truc comme ça. Attends, je connais ça, je crois. Bien. I want you back free. T'es pas okay, le beau gosse de la terre. T'as pas de salaire. T'as pas de quoi te payer plus de 2-3 verres. Toutes les semaines dans la même boîte avec les mêmes Nike Air. Avec les mêmes videurs qui te mettent les mêmes galères. Tu dragues les mêmes ados, c'est un fiasco. Parce que t'es trop déchiré pour aligner 3 mots. Si tu danses comme un âge, toi et moi on est pareil. Demain on prendra le temps de regretter ce qu'on a fait la veille. On sera peut-être jamais VIP. On baisera jamais des bêtes de snack à Miami. On s'en bat les couilles, on tease, on vit la nuit. On rentre à pied parce qu'on a jamais de quoi payer le taxi. I want to break free. Voilà, c'est fait, hein. C'est fait. Hey, on adore. I want to break free. I want to break free from your lies, you're so self-satisfied. Ce bon vieux Freddie Mercury en featuring avec Orelsan. Voilà, un featuring improbable et complètement impossible puisque évidemment Freddie Mercury n'est plus de ce monde. Ouais. Donc ça n'existera jamais, sauf dans Bang Bang. Merci à Coco pour sa proposition. C'est ce qu'on appelle chez nous un featuring de rêve. Dans 10 minutes les amis, même pas 10 minutes, je reprends les platines pour un nouveau mix et juste derrière on accueillera notre invité. Je vous rappelle qu'on sera aujourd'hui avec un moine Shaolin. Un moine Shaolin français. Oui, il y en a un seul. D'ailleurs, il y a un seul moine Shaolin en Occident. Mm-hmm. C'est lui. C'est un officiel, hein, vraiment certifié Shaolin. Un officiel. Mais vraiment. Hein. Parce qu'il faut préciser, parce que peut-être il y en a, ils pensent qu'on dit ça en mode. Ouais, ils pensent que c'est de la blague. Il se prend pour un moine Shaolin. Non, non, c'est pas du tout. Pour de c'est vrai. Surtout qu'il faut savoir que c'est compliqué d'être moine Shaolin. Moi, tu me dis les moines Shaolin, je me dis bon, bah ok. Tu vas, tu prends un tu certificat, te dis ça, puis on se part. Oui, bah non. On se part. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Non, non, il va nous raconter tout ça. Il le raconte d'ailleurs dans un livre qui s'appelle 3 ans à Shaolin, parce qu'il est parti évidemment sur place. Pour se former, pour devenir moine Shaolin. On en parlera avec lui, on a plein de questions à lui poser. Et surtout, on nous a dit qu'il nous ferait une petite démo Kung Fu. Mm-hmm. Et pour ça, on a besoin de Baro, évidemment. Ah oui. Je suis prêt. Pas besoin d'un. Non, t'avais pas l'air prêt là. J'allais faire tomber mon casque. Mais oui, il s'est pris le casque dans la tête. Il avait tombé son casque, il avait ses locks qui étaient partout comme ça, à droite, à gauche, il n'y avait plus personne. Baron, je sais pas si vraiment t'es prêt pour ça. Tu m'as l'air très très maladroit pour le Kung Fu. Bon, on va voir ça en tout cas avec lui. Si vraiment il te sent pas en tant qu'adversaire, Bah on passera à autre chose, hein. On mettra Olivier en face, hein, Olivier, si t'es, Je pense qu'il va sentir le regard du dragon en moi. D'accord, ouais, j'ai bien l'impression. Regard du dragon. Je te laisse te recoiffer du coup. Ouais. Et on va écouter un petit peu de son. On fait une courte pause là. Et juste derrière, il y a Nicki Minaj qui arrive avec Ice Spice. Et puis on en quille un nouveau mix de 10 minutes. C'est Bang Bang, merci d'être avec nous. Salut, c'est Luciole. Je vous retrouve sur Move avec Qu'est-ce qu'on va devenir saison 2. Cette troisième émission sera consacrée au voyage avec Bruno Maltor. Retrouvez-nous ce soir à partir de 21h sur Move. Emergency Festival, du 1er au 4 novembre à Montpellier. 4 jours consacrés au hip-hop avec des concerts et des battles beatbox et beatmakers. En exclusivité au Rockstore, Nahir, Bekar, Coelho, Naira, Maïsi, Sigma. Retrouvez aussi la Hot Sauce Party à la Altropis avec Carbon, Nems et tant d'autres. Emergency Festival, un rendez-vous 100% hip-hop à Montpellier. Un événement à retrouver sur move.fr. Stop playing with them, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacey, Nicki. All of the Barbies is pretty. Damn. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Red, but he spanked me when I get bad. I'm in LA, Rodeo Drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl. Pink Barbie dream house. The way Ken be killing shit got me yelling out like the scream house. Yelling out, we ain't selling out. We got money, but we ain't lending out. We got bars, but we ain't bailing out. In that pink Ferrari, we peeling out. I told Tay, bring the Bob Dylan out. That pussy so cold, we just chilling out. They be yelling, yelling, yeah, yelling out. It's Barbie, bitch, if you still in doubt. Ooh. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacey, Nicki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Barbie ain't nothing to play about. He wanna play in a playhouse. The fuck they gon' say now? I'm watching these bitches, I'm rubbing a stain out. Like I'm ready to bend. All the fake Barbies just wanna pretend. Like, hold on, let me go find me a pen. Look where it led. Now I'ma put it to bed. She a Barbie bitch with her Barbie click. I keep dragging her so she bald a bit. And I see the bread, I want all of it. And I want the green, so I all of it. And I throw it back, so he losing it. And I give the box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got him brick. Yeah, they know who hit me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacey, Nicki. All of the Barbies is pretty. Damn. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Go insane, I go la la, make this chocolate rain. Fall like so do about that. I'm on go. I've been moving state to state. I went pro. Baby, plenty dough. Heavy flow, shit crazy. I can ease your mind if you're going through something. That don't mean I can cure depression. I can cure things. I'll free my night if you wanna do something. Do something. But I'm taking your direction. You ain't fall in love with me. You fell in love with the man I could be. You ain't fall in love. I've been low. She says she don't believe that shit. She think I'm gross. I can't even hug a bitch. She gon' know. Then fight me for the hell of it. Gotta dip, gotta go somewhere. Have I been wrong? Have I been gone too long to know where I belong? Whoa. Allez, passez une bonne après-midi, j'espère que tout va bien. 17h, tout pile, merci de nous rejoindre. C'est Bang Bang qui continue. Bang Bang Bang Bang. Bang Bang Bang Bang. Move. Bang Bang. Move. Jusqu'à 18h45. Bang Bang. Avec Muxa, Olivia et Paro. Yes. Merci de nous rejoindre si vous arrivez, sachez-le, dans une dizaine de minutes, juste après le mix qu'on fait en début de chaque heure, on recevra notre invité du jour, il s'appelle Michael Renaud, et c'est un moine Shaolin, un vrai moine Shaolin, un officiel, voilà, et c'est le seul moine Shaolin occidental, on a la chance de l'avoir en France. Il est avec nous, il viendra nous présenter sa fonction de moine, il viendra nous il présenter... Arrive quand il arrive dans une dizaine de minutes, Olivia, sois pas pressé, il on arrive. On dirait, il lui doit des sous. Il arrive quand? Faut que je lui parle, faut que je lui dise quelque chose. J'ai qu'envie bon. De voir s'il est habillé de manière moineuse. Des gens l'ont croisé. Il est déjà dans la radio, il est dans les couloirs et apparemment il est effectivement habillé comme un moine Shaolin. C'est normal, comme tous les moines Shaolin d'ailleurs. Je l'ai pas vu moi, mais les gens l'ont vu en tout cas. Comment va-t-il passer la sécurité? Il a passé la sécurité visiblement, mais par contre on lui a demandé de ne pas amener son sabre parce qu'il a un sabre. Et comme c'est Vigipirate un peu partout en France et surtout dans les locaux des médias, on n'échappe pas à la règle et tu rentres pas dans la radio avec un sabre. Ah ouais. C'est compliqué. Mais apparemment, il a d'autres accessoires. Je sais pas. Moi, je veux pas en dire trop. Ah ouais. C'est un petit teasing. C'est un petit teasing. Restez connectés. Des nunchaku. Tu sais ce que c'est, un nunchaku? Ouais, non, mais j'ai vu qu'il l'avait mal dit. Ouais, d'accord. T'es pas obligé de parler devant le micro, hein, par contre. C'est... Ah, je suis pas obligé? Ouais, non, t'es vraiment pas obligé. Hein, comme les gens n'ont pas envie de t'entendre, de toute manière. Allez, 10 minutes de mix qu'on enquille maintenant sur Move. Merci d'être avec nous. DJ Muxa, let's go. Tcha tcha, c'est Nino, tu mets Move, DJ Muxa, et tu kiffes. When you look into my brown eyes, you see my lips always commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby? Yeah. Tell me, do you want me on top? So let me show you, where I don't need to back it up. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, move. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, got a piece, got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could dig it up, man. It's a thriller in the trap. What we say? Don't you wanna dance with me, y'all? No. I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Can't let this one slide. Every night we bang your radio. Make it. free of the mind. Say your body talk to me nice. Say how my love you didn't need for your life. Yeah, I love to be like. Say how we do together, yeah, day and night. Yeah, if I leave you, go by. Yeah, if you leave, I'll stroke your body, baby. Loving your body, baby. As you're winding your body, baby. So crazy. DJ Muxa. Loving your body, baby. Tell me what needs to me. I just wanna let you know. Merci d'être avec nous, c'est Bang Bang. Oui. Bang your radio. On fait ça, ouais, tous les jours, de 16h à 18h45. Merci d'être avec nous, les amis. On va terminer ce mix comme ça, tranquillement, sur une petite note de douceur. Ouais. Et juste derrière, on vous présentera notre invité qui s'installe tranquillement dans les studios, Mickaël Renaud, le seul moine Shaolin occidental. Je tiens à le préciser. Il sera avec nous dans un tout petit instant. En tout cas, on vous le présente et puis on va s'intéresser à son parcours. Il y a un livre qui vient de sortir, là, justement. On parlera de tout ça avec lui. Le temps d'écouter Burna Boy avec City Boys sur Move. 17h11. Merci d'être avec nous. I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna act me, you understand? Girls in my crib, zero Snapchat, zero Instagram, full steam. Fuck up the vibe, my dick. Start falling like London Bridge. I don't care if I saw you in a magazine or if you're on TV. That one don't mean nothing to me. Don't need a shower, oh baby, I need a freak. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's nothing, chop my banana. One side I lie, then no stopping up. Go shopping up, fuck that. Yeah. If I go, Lord, I do. Red eyes, don't fall. You tell me, mood, I come. Eyes, do a champagne in my mood. Girl from the ghetto, girl comes from uptown. That's the life of a city boy. Ah, Oyeke, Dema, Oyeke, Jello, Oyeke, Nawo, Oyeke, Oyeke, Oyeke. Mama Sheba, come back on. Make me the star to the paragon. Star to the halagon. Cause you know say my people they calagon. As I hate in on us, make me my yama. Now I be my father's son. Cause you know, say I come from Potako. That's why I'm a jago. Start to the dance, I'm like I do. Konita Lago. I go show you, say bounce and the Lago. Cause I be city boy. And I said, they for the street, they give me joy. Lamborghini boy. Put them on some Jesus, and I'm not religious. Oh, that no. Me on fire, go, Lord, I go. Oyeke, Dema, Oyeke, Jello, Oyeke, Nawo, Oyeke, Oyeke, Oyeke. Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna act me, you understand? Burna Boy, City Boys, à l'instant sur Move. Merci d'être avec nous, passez une très belle après-midi. C'est Bang Bang. Tous les jours, Bang Bang sur Move. Bang Bang. Avec Muxa, Olivia et Paro. Exactement, et notre invité qui vient nous rejoindre dans les studios, Mickaël Renaud. C'est lui qu'on va vous présenter aujourd'hui. Salut Mickaël. Bonjour. Salut. Salut, merci pour l'accueil. Merci d'être là. On le disait tout à l'heure en préambule, t'es moine Shaolin. Et tu viens d'écrire un bouquin qui est sorti le 5 octobre qui s'appelle 3 ans à Shaolin. J'ai bon pour l'instant. C'est bon pour l'instant. C'est ça. La particularité, c'est qu'on des moines Shaolin, on en croise régulièrement. On est à Paris, donc il se peut qu'on en croise de temps en temps. Des moines Shaolin français, par contre. Et des vrais moines Shaolin français, puisque ça se mérite d'être moine Shaolin, il n'y en a pas. Il n'y a que toi, du coup. Et il n'y a que toi en Occident. Effectivement, des 1500 ans d'histoire du temple Shaolin, je suis le seul occidental à y avoir vécu 3 années avant d'y avoir été ordonné moine. Ok, wow. Alors va falloir que tu nous racontes tout ça. Déjà, va falloir que tu nous racontes ce que tu faisais avant, parce qu'on n'arrive pas moine Shaolin comme ça en claquant des doigts. Toi, t'es né dans l'Aube, à Troyes. C'est ça. Tu y es d'ailleurs toujours basé. J'y suis toujours. J'ai mon centre où je reçois les personnes intéressées. À Sainte-Savine. C'est exact. Ok, ouais, elle est renseignée. Elle a mené l'enquête. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que j'ai cru comprendre que t'avais eu une vie avant tout ça. Là, t'as 39 ans, c'est ça ? 40 ans. 40 ans. Cette année. Ah, bon, d'accord, ok. Merci de me rajeunir. Avec plaisir. Si tu veux 27, je te donne 27. Moi, ça ne coûte rien, puis ça fait toujours plaisir. Avant d'être moine Shaolin, évidemment, tu as fait d'autres choses. J'ai cru comprendre que tu avais été champion du monde de BMX. C'est exact. À l'époque. À l'âge de 17 ans, oui. Ouais, donc il y a tout un monde entre le monde des Shaolin et le BMX. Il s'est passé, j'imagine, pas mal de choses entre-temps. Raconte-nous comment ça t'est venu, en fait. J'ai l'impression déjà que tu es quelqu'un qui va au bout des choses. C'est-à-dire que quand tu as un truc en tête, parce qu'on ne devient pas champion du monde de BMX comme ça, tout comme moine Shaolin, et j'ai raison. Tu as raison, effectivement. Donner le meilleur de soi-même, c'est aussi respecter l'offrande qu'on nous a faite d'être vivants sur cette terre. Puisqu'on a tous un talent extraordinaire en nous, et il est plus facile de ne rien faire que de faire, c'est mais sûr. Quand on fait et qu'on donne le meilleur de soi-même, on peut être surpris de ce qu'on est capable d'accomplir. Et du coup, quand tu as été champion du monde, donc à l'âge de 17 ans, qu'est-ce que tu faisais après ? T'es rentré dans la vie active, t'as eu un parcours, on va dire, classique avant de te décider à être moine Shaolin, ou déjà t'avais ce truc en tête ? Quand j'étais enfant, à l'âge de 8 ans, je pratiquais le jujitsu et le judo, donc déjà dans le monde des arts martiaux. Après, je me suis redirigé dans le BMX, je voyais des copains sauter avec leur bicross et je les ai suivis. Et après ce titre de champion du monde, j'ai une rupture des ligaments croisés du genou, et pendant l'opération, on m'a enlevé le ménisque. Ok. À ce moment-là, on m'a dit, bah c'est fini pour toi, le sport, tu n'en feras plus jamais. Ok. Et... tous les sports du coup. Ouais. Ah ouais, c'est pas facile. Okay. Et je suis parti à Shaolin. Ok. C'est à ce moment-là qu'on te l'a dit ? Quand on m'a opéré, on m'a dit tu feras plus jamais de sport. Pendant ma convalescence, je me suis intéressé aux arts martiaux de mon enfance. Ouais, ok, d'accord. Et là, dans un magazine, j'ai vu qu'à Paris, il y avait un moine Shaolin. Un vrai, du coup, de Chine. Il était venu de Chine et s'était installé. Il organisait des stages au temple en Chine et donnait des cours. Je l'ai rencontré au mois d'avril, au mois d'août, je suis parti avec lui. C'est là que je suis tombé amoureux de la Chine, du temple et des arts martiaux. Et t'avais quel âge à cette période-là ? À cette période-là, la première fois, j'avais 21 ans. Ok. Ah, donc c'est arrivé très tôt dans ta vie, finalement. Ouais. Donc t'as pas eu un parcours de travailleur classique, aller au boulot le matin, rentrer le soir J'ai travaillé, c'était pas fait pour moi. D'accord. C'était quoi ton job, sans indiscrétion ? Quand j'ai fait les études, j'étais en bac pro comptabilité. Ok, ah oui, effectivement. Quand je me suis retrouvé dans les bureaux à faire ça tous les jours du matin au soir, j'ai vu que c'était pas mon truc. Alors j'ai pensé que j'étais manuel, et je suis allé en charpente traditionnelle, et... en réalité, tous les jours, du matin au soir, de lundi à vendredi, faire autre chose que de m'accomplir moi-même ne me va pas, ne m'épanouit pas. Okay. Les peintres aiment peindre, le musicien aime faire de la musique, le sportif aime s'entraîner. Et en réalité, on donne un tiers de notre journée pour dormir, l'autre tiers pour nos activités professionnelles. Et pour nous, il doit rester 10 à 20% de temps de vie. Et ça, tu t'en es rendu compte quand ? Que du coup, on donnait beaucoup plus de notre temps à la vie, enfin au travail, et qu'on se donnait pas assez de temps pour nous-mêmes. Tu t'en es rendu compte quand ? Je m'en suis rendu compte quand, après être rentré de Chine, où là-bas on fait 6, 7, 8 heures d'arts martiaux par jour ou d'entraînement, en revenant je pouvais m'entraîner qu'une à deux heures par jour. Ok. Soit le matin avant d'aller travailler ou le soir en rentrant. Et t'avais combien de temps pour toi quand t'étais en Chine ? En Chine, on a toute la journée. Ok. Mais elle est répartie à différents moments. Quand on se lève le matin, à 4h, on va aller réciter les sutras, se remémorer les enseignements. Le bouddhisme, c'est une psychologie, une psyché, comprendre son fonctionnement mental. Ouais. Et après, on va aller s'entraîner aux arts martiaux pendant 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, encore 1 heure le soir. À Shaolin, on a 3 types, on a ce qu'on appelle 3 trésors. Le premier, c'est Chan, ceux qui élèvent leur conscience, avec le bouddhisme, la méditation et les enseignements des sutras. Le deuxième, c'est les arts martiaux qui fortifient le corps. Okay. On dit qu'avec un niveau de conscience élevé et un corps solide, rien ne peut nous arrêter. Okay. Et le troisième trésor, c'est la médecine traditionnelle chinoise, qui comprend pharmacopée, acupuncture, relâchement musculaire, aussi l'ostéo-articulaire, qui permet de comprendre son corps, ce qui nous est favorable, défavorable. Et aussi, dans notre vie, entre naissance et mort, on a le choix entre être un apport ou un ajout. ça permet aussi d'être un apport en apportant aux autres. Ok. Okay. Alors quand tu le dis là, ça a l'air un peu facile de dire bah voilà, je suis parti en Chine. Mais est-ce que tout le monde peut demain décider de changer de vie et de partir en Chine dans les temples et de se former? Est-ce que c'est possible pour tout le monde ça? Partir dans un temple en Chine, c'est quasiment impossible. Ok. Le maître que j'ai suivi, que j'ai rencontré en France en 2004, je l'ai suivi pendant 6 années. Je suis allé 3 fois avec lui en Chine. Et moi, je faisais toutes les semaines mes allers-retours en train. Le soir, après le travail, un feu rouge changeait le pantalon, un feu rouge changeait le t-shirt, un feu rouge changeait les chaussures. Je me dépêchais d'aller au train, je courais pour pas la rater. Et après, j'enchaînais avec les métros, je faisais l'entraînement et je revenais comme ça dans l'autre sens. Sinon, je dormais sur un banc de la gare de l'Est. Ok. J'ai fait ça pendant 6 ans, j'y retourne encore le week-end. Et après ces 3 voyages en Chine, j'ai vu, comme on en parlait tout à l'heure, que le travail ne me correspondait pas ici. Et j'ai demandé à mon maître s'il était possible de m'aider à rentrer au temple. Au okay. début, il a refusé, à force d'insister, de m'investir, de m'entraîner, de progresser. Il a fini par accepter et il m'a recommandé un ami à lui qui était resté vivre okay, au temple. Donc il a fallu que tu prouves que tu étais vraiment motivé, que ouais. lui comprenne aussi que c'était vraiment important pour toi. Ok, donc c'est pas si facile que ça. Ouais. Quand on arrive en Chine, donc ça se passe dans un temple, c'est ça? C'est quoi la journée type d'un est-ce qu'on appelle ça des camps déjà? Enfin, c'est quoi? C'est le temple. Hein. Okay. Donc ça va être des moines bouddhistes. La particularité de Shaolin, c'est qu'ils pratiquent les arts martiaux. Les autres temples bouddhistes, ce sera uniquement dirigé sur le bouddhisme avec ses enseignements, la méditation et tout ce qui va avec. Donc tu te réveilles à quelle heure le matin par exemple? 4h30. D'accord. Ouais. 4h30, pendant une heure on va dans la grande salle avec les grandes bouddhas d'or, devant il y a la fumée de l'encens qui s'élève. Et là t'as tous les moines en ligne, l'un en face de l'autre, qui récitent les sutras en cœur. Donc pour se remémorer les enseignements et les vivre toute la journée. Après ça on va prendre un moment pour le petit déjeuner. On va avoir des choses comme de la soupe de riz blanc, soupe de riz noir, soupe de riz rouge. C'est plein d'énergie, c'est facile à digérer pour l'estomac, accompagné de légumes salés. On va avoir 1 heure pour digérer. Et après, dans la matinée, on va s'entraîner 3 heures au kung-fu, pour ceux qui font du kung-fu. Étudier le bouddhisme pour ceux qui sont uniquement moines. Ou la médecine pour ceux qui font médecine. Ok. Et c'était pas dur de s'intégrer parmi du coup les moines qui n'ont jamais du coup eu un occidental dans leur groupe. Super question. Ça c'était moins de la nature humaine. C'est-à-dire il y a des gens qui sont curieux et qui veulent savoir ce qu'il en est, mais d'autres qui à contrario verront la différence. Ok. Donc il y a des gens qui m'ont tout de suite tendu la main, tout de suite aidé. Et d'autres où quand j'apprenais les arts martiaux, parce que j'apprenais les arts martiaux traditionnels avec mon maître, alors qu'il n'y en a pas qui font en démonstration, et il y en avait d'autres du temple qui venaient me demander que je leur explique ce que m'enseignait mon maître, et d'autres disaient non, c'est pas un blanc qui va nous apprendre à nous les arts martiaux, etc. Donc j'ai vécu les deux. Et en même temps, ça leur apprenait pas, enfin il n'y a pas un chef entre guillemets qui leur disait voilà, faut apprendre justement la différence, c'est important, et ça leur a pas servi, pas trop. Il n'y a pas eu une évolution au fur et à mesure du temps où tu es resté là-bas, j'allais dire vous. Parce que c'est censé être vos valeurs, ça, l'ouverture d'esprit, mais malgré tout... Et la tolérance. Effectivement, mais comme on dit, le plus grand voyage commence par le premier pas. Et même si on choisit d'aller là-bas et de faire ce cheminement, tout le monde n'a pas la même évolution. Ouais, c'est vrai. On a un caractère de départ, aussi... L'ego. L'ego. qu'est-ce que t'entends sur les moines Shaolin le plus souvent quand les gens te parlent, te croisent, etc. Les clichés de base quand on dit ah t'es moine Shaolin alors. Souvent ils vont penser au kung-fu. Ok. Tu sais faire du kung-fu. La bagarre. C'est ça. Oui. Mais on considère que le niveau le plus élevé c'est le niveau de conscience. Bah oui. D'ailleurs c'est l'esprit qui fait bouger le corps. Là tout de suite maintenant on est en train de parler tous les trois ensemble. Ce qu'on fait c'est qu'on utilise là le français, ça pourrait être de l'anglais, du chinois, autre chose. Ce qui est à l'origine de chacun de nos mots. C'est notre esprit qui, lui, est immatériel. Notre esprit matériel est matérialisé par notre parole. Chacune de nos actions, de nos mouvements physiques, sont aussi la matérialisation de notre esprit qui, lui, est immatériel. Et c'est pourquoi la compréhension, la maîtrise et le développement de notre esprit est si important. Okay. Ah, ça, c'est lourd. Pas facile. Non, ça, c'est... Barreau, il a aimé. Barreau a beaucoup aimé. Il y a un jeu qu'on fait souvent entre nous, on appelle ça le Google Game. Tu connais forcément Google, hein, Internet, tout ça. On tape dans Google une phrase et on essaie de savoir ce qu'il va nous dire derrière. Okay. Quand j'ai tapé pourquoi les moines Shaolin, sans rien, qu'est-ce qui tombe d'après toi derrière? Quelle est la plus grosse recherche Google quand on pose la question pourquoi les moines Shaolin ? Qu'est-ce que recherchent les gens ? Pourquoi les moines Shaolin mangent de la viande peut-être ? Non. Pourquoi les moines Shaolin se rasent la tête ? C'est ça qui ressort le plus souvent. Du coup, je te pose la question parce que j'ai pas cette réponse. Très bonne question. Il y a plusieurs raisons. Originellement, le Bouddha s'était rasé les cheveux parce qu'il venait de famille princière. Et avant, quand on avait une vie aisée, nos cheveux étaient beaux, lisses et soyeux. Quand on vivait on était paysan, nos cheveux étaient plutôt crépus. C'était déjà une distinction de différence. Ensuite, ça nous permettait aussi de se couper symboliquement de notre vie passée. Et on y trouvera aussi une question d'hygiène, comme le font les militaires et les soldats à l'armée. Okay, d'accord. Très bien. On a la réponse. Et on se coupe de la vie. Ouais, bon, de toute façon, on ne les laisse jamais repousser, finalement, quand on les rase. On peut. En rentrant d'accord. En France, j'ai essayé et j'ai vu que j'étais bien comme ça et que c'est mon identité. C'est pratique. Ouais, de ouf. Ok. J'entends. Au niveau de la langue, c'est quelle langue qui est parlée dans les temples là-bas enfin, Alors, en Chine, ça va être le mandarin dans tout le pays. Le mandarin dans tout le pays. Mais on a plus d'une vingtaine de provinces et la seule province dans laquelle j'étais avait déjà plus de 200 dialectes. Ok. Et comment t'as fait alors pour t'adapter? J'ai appris sur le tas. En arrivant, je ne sais pas parler chinois. Bonjour, au revoir, merci. Et puis, au fil des jours, je me souviens que mon maître, j'avais dessiné un bonhomme sur une feuille. Puis, j'ai demandé comment on disait une tête, des bras, des jambes, une main. Quand on mange, comment on dit un bol, des baguettes, le riz. Ok, donc tu as appris petit. Et aujourd'hui, tu parles mandarin ? Là-bas, au bout de 6 mois, je pouvais commencer à me débrouiller. Ok, bon, bah, c'est cool, on adhère. Ok. Il y a une question qu'on se posait tout à l'heure en préparant l'émission. Est-ce que les moines Shaolin sont autorisés à avoir une femme ? Quand on est moine, qu'on vit la vie monastique dans le monastère, on est coupé des femmes. D'accord. Si on sort du monastère et qu'on reprend la vie civile, on est autorisé. C'est ton cas du coup ? Là, je suis dans la vie civile, je ne suis pas marié, mais si je souhaite être avec quelqu'un, je peux. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur les applications de rencontre ? Pas besoin, il y a des femmes autour de nous. Non, mais je sais bien, mais ça c'est... que t'aies besoin ou pas besoin, je sais pas, mais est-ce que t'aurais le droit si t'avais envie de le faire ? Si j'avais envie de le faire, ouais. Est-ce que t'aurais le droit de te mettre sur Tinder avec ton habit de moine Shaolin et de te proposer tes services ? Avec l'habit, non. Et pour mon amour propre en civil, je ne le ferai pas non plus. Ok, d'accord. Bon, ça, c'est une question de choix perso. Ouais. Mais personne pourrait te blâmer si tu le faisais, en tout cas. Si je portais les habits, quand même. Si, les habits, oui, bien parce sûr. Parce que là, tu ne respectes pas l'image que tu donnes de ce que tu représentes. D'accord. Ok. Très bien. C'est quoi la mission du moine Shaolin, s'il en a une ? La mission réside dans les 3 trésors du bouddhisme qu'on appelle Bouddha, Dharma, Sangha. Le premier symbolise l'enseignant. L'enseignant, c'est celui qui détient la connaissance. Le deuxième, Dharma, ça signifie la connaissance, ce que nous enseigne l'enseignant. Et le troisième, le Dharma, c'est la communauté, ce qui apprend toute cette connaissance et qui la transmet éternellement pour que ces traditions et ce savoir ne se perpétuent jamais. C'est ça la mission, c'est d'étudier, apprendre, comprendre, maîtriser et transmettre. Et de quoi tu vis toi aujourd'hui ? T'as tes activités de transmission, c'est ça ? C'est ça. C'est ça qui te permet de vivre ? J'ai ouvert un centre Shaolin Yanyo, dans lequel je reçois des gens pour leur enseigner le Kung Fu, le Qigong, la méditation, le Tai Chi, mais également sur rendez-vous pour le troisième trésor de Shaolin, qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise. Ça, tu gères aussi ? C'est possible aussi, donc le relâchement musculaire, articulaire, mal de dos, cou, épaule. Ok, tu t'as dit Shaolin Yanyu, on l'a pas précisé, mais c'est ton nom. C'est le nom de mon centre. Ouais. Mon nom de moine, c'est She Yanyu. She Yanyu. Ouais. Okay. Et Yanyu vient de ce nom. Ok, d'accord. Okay. Très bien. On va faire une petite pause, on va écouter un petit peu de son. Et juste derrière, il y aura un peu de pratique ici. Tu maîtrises le Kung Fu, tu nous as proposé une petite initiation. On va te mettre Barreau en face. Barreau adore les sports de combat. Vous allez pouvoir échanger tous les deux. Nous amuser, je sais pas. Vas-y doucement quand même. Et puis je crois savoir aussi que tu nous as ramené pas mal de petits trucs. Je vois un truc qui s'apparente à un fouet. Je sais pas si c'est ça. Ça ressemble à un fouet, c'est ça ? Il y a la chaîne à 9 sections de mon maître aussi qui l'accompagne. C'est parce que on menait une vie rudimentaire quand on en avait qu'une. Okay. Il utilisait le foie à l'envers pour que le manche donne l'inertie de la rotation. Comme okay. Tu nous expliqueras tout ça dans un tout petit instant. Une petite pause avec le son de Sadek Madre Mia. Tiens, avec Nino en featuring. Vous bougez surtout pas. On est dans Bang Bang. On est avec Michael Renaud qui est moine Shaolin et qui nous explique un petit peu sa vie et son parcours. Restez connectés, les amis. En tout cas, Bang Bang, ça revient très très vite juste après le son de Sadek. 19h, pas du tout. 17h29. Ouais, c'est mieux. 19h, c'est le décalage horaire, ça. J'suis avec Nino, le petit est puni dans le thème. Bébé prend le volant là, j'me suis rapta dans le club. J'sais qu'ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Tu veux faire le you, hein, tu veux faire le thème. Le pote a fait la you, il laissera aucune preuve. Ouais, ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Détaillé, redétaillé. Rayer les œuvres là sur le tailleur. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est cassé, j'peux plus réparer. Détaillé, redétaillé. Rayer les œuvres là sur le cahier. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est cassé, j'peux plus réparer. Ton madre mia, j'veux tout oublier. Je n'ai plus le cafard dans le féfé araigné. Y'a le Panamera devant la ville à Gary. C'est eux qui prennent des snaps, mais c'est moi qui paye. Elle est pleine d'enveloppes. Pas besoin de développer. Guadalama, Malaga, Hollanda, Holala. Mais pourtant crois que je suis cinglé. Ils croient jamais, jamais en nous. Je veux les voir marcher sur les genoux. Je veux les faire regretter. J'ai pas prévu de freiner. Les millions feront des bisous dans le cou, dans le cou. Hein, je suis avec Nino, le petit est puni dans le thème. Bébé prend le volant là, je me suis rapta dans le club. Je sais qu'ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Tu veux faire le you, hein, tu veux faire le thème. On a fait la you, on laissera aucune preuve. Ouais, ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Détaillé, redétaillé. Voyez les œuvres là sur le tailleur. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est cassé, je peux plus réparer. Détaillé, redétaillé. Voyez les œuvres là sur le cahier. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est cassé, je peux plus réparer. Oh madre mia, je voulais des milliers. Je ne voulais pas briller, mais j'ai brillé quand même. Et toi tu portes l'œil, parce que ma PhD là, j'ai charbonné pour l'avoir. Et tu devrais faire de même. Magnum de champagne pour te faire boire. Magnum 357 pour te faire voir. Que nous et eux ça n'a rien à voir. Et que tout le monde se cache quand ils se mettent à pleuvoir. A ma gauche j'ai la plus mignonne. 90 des sans silicone. Les yeux rouges j'ai fini le corps. Va dire au boss qu'on a repris la zone. Je suis avec Nino le petit puni dans le thème. Bébé prend le volant là je me suis rapta dans le club. Je sais qu'ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Tu veux faire le you, hein, tu veux faire le thème. On a fait la you, on laissera aucune preuve. Ouais ils ont le seum, on a tous ce qu'ils veulent. Faut brailler. Détaillé, redétaillé. Voyez les œuvres là sur le tailleur. Tu veux la guerre, t'es pas préparé. Quand c'est cassé, je peux plus réparer. Cassé, je peux plus réparer. On est deux, ma quiche taille est compacte et j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride. J'sais même pas si je serai là demain, mais je sais que demain j'ai des soins à faire. Elle ressasse tout mon passé, elle voit que du sale, donc je sais qu'elle a le démon. Et quand je vois la route qui m'est tracée, dans ces moments-là je vois la lumière. Les problèmes, je les accumule, j'ai poids sur le dos, mais je sais qu'il faut témoin. En petite tenue, ton joli collant, défile au télo, défile en talon. Oh, ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant. Beuh dans les poumons, je vois sur elle, j'ai impacté. Dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille est compacte et j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride. Ouais, sur elle, j'ai impacté. Dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille est compacte et j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, nous deux tard la night. Des flashbacks, nous deux quand on ride. T'es pas mon essentiel, je t'ai fait du sale ma belle. Jamais tu pourras me rendre amoureux et c'est pas la peine. Tu meurs couleur ébène, autant que quand je touche ma paye. Et pour qu'elle se rappelle, elle repart avec une attelle. Je ferai si je promets, baby, je peux plus ralentir. Je peux plus ralentir, je peux plus ralentir. Je suis broliqué dans l'appartement, mais je peux pas mentir. Mais je peux pas mentir, mais je peux pas mentir. En petite tenue, ton joli collant, défile au télo, défile en talon. Ok, je suis high, j'ai bu, j'arrache le collant. Peu dans les poumons, je reste sur elle, j'ai impacté. Dans son crâne, on est deux. Ma quiche taille est compacte et j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, tout de tard la night. Des flashbacks, tout de quand on ride. Ouais, sur elle j'ai impacté, dans son crâne on est deux. Ma quiche taille est compacte et j'ai aucun billet bleu. J'ai des flashbacks, tout de tard la night. Des flashbacks, tout de quand on ride. On est sur Move avec le son de Favé Gazo en featuring, c'était Flashback, merci d'être avec nous. Muxa, Olivia et Baro. Yes, de retour avec notre invité Michael Renaud, le seul moine Shaolin occidental. Il est avec nous aujourd'hui pour nous présenter son livre 3 ans à Shaolin, un livre qui est sorti le 5 octobre. Michael, tu nous as promis une petite démo, parce que on a parlé de ton parcours, on a parlé de pas mal de choses, mais on n'a pas encore parlé des arts martiaux en profondeur. Tu maîtrises le Kung Fu, c'est ça? Je suis un éternel étudiant. Bon, d'accord. Et le jiu-jitsu aussi. Alors, je remplace maîtrise par pratique. Ouais. Tu pratiques. En tout cas, tu nous as proposé une petite initiation. Avant de parler de tout ça, il y a Baro qui a une question bagarre à te poser. Ouais, en fait, du coup, t'as fait du jiu-jitsu. Du coup, t'as commencé même par ça. Ouais. C'est ça. J'aimerais bien savoir, parce que c'est le sport qui est à la mode, on va dire en ce moment en France, le sport de combat qui est à la mode. Quel regard t'as sur le MMA? Quel regard j'ai sur le MMA? Voilà. Ça a quand même un bon côté. Je veux dire par là que la plupart des arts martiaux traditionnels ont été tellement réglementés qu'ils en ont perdu leur essence. Après, je comprends, en combat, on peut pas faire tous les coups sont permis. Et dans le MMA, justement, on retrouve un peu ce côté où, comme dans les temps anciens, on peut se permettre un peu tout. Parce que les arts martiaux étaient inventés à une époque où il n'y avait pas de caméra, pas de police, pas de surveillance. Pardon. Et quand on se faisait agresser par des brigands de grand chemin avec un sabre qui tranche plus que notre Gillette Mac 3, il fallait savoir faire quelque chose. Et là, c'était une question de vie ou de mort. Il n'y avait pas de règles. Tout était permis. Ah. Donc le MMA, tu devrais, t'as déjà essayé d'ailleurs? J'ai pas eu l'occasion. Okay. Et t'aimes bien regarder le MMA? Ouais, il y a une période où je suivais McGregor quand il était au summum. Et il a bien réussi sa vie d'ailleurs. C'est vrai qu'il s'en est plutôt pas mal sorti. Ouais. Tu nous as ramené des petits accessoires là. De quoi il s'agit? Le truc que je vois devant, c'est un fouet. C'est ça. C'est ça. Et tu peux le prendre. Hein. Prends-le. Et comme ça s'appelle fouet. Ça s'appelle fouet. Hein. Ouais. Tout simplement. Mais dans l'ordre. Ah, dans l'ordre. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ça appartenait à mon maître. Il est décédé le 10 janvier de cette année, donc ça a une valeur particulière. Et à son âme. Ouais, merci. Et vous voyez qu'elle est toute rouillée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne à 9 sections. Ok, alors ouais, on va la décrire pour les auditeurs, parce qu'il y a des gens qui sont branchés sur move.fr qui peuvent voir la vidéo, mais d'autres qui sont en voiture et qui ne voient pas. Donc comment tu peux la décrire, cette chaîne? Alors, pour la décrire, aujourd'hui les chaînes sont des anneaux. Avant, les chaînes, c'était des bâtonnets reliés par des anneaux. Okay. Ok, donc là, c'est une vraie chaîne, du coup. Une vraie chaîne en métal. Hein. Donc, on a une poignée. Ensuite, on a trois anneaux qui accrochent un bâtonnet de métal. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, sixième, septième, huit. Et ça c'est une arme, ça? Ouais, c'est une arme. Et elle date de quand, cette arme-là, toute rouillée? Ah, celle-ci, il y a plusieurs décennies. Ah ouais, pas mal. Et c'est quelque chose qui est relativement lourd. Et dans les temps passés, les ancêtres ont commencé à créer des armes lourdes quand les armures protégeaient tellement les soldats qu'un sabre ou une épée ne pouvait plus couper. Okay. Par contre, une arme lourde, ça provoquait une telle estoque que ça pulvérisait le squelette de l'intérieur. Okay. Ah ouais. Et donc, quand mon maître m'enseignait la chaîne, on en avait qu'une. Et pour les mouvements dangereux où la chaîne passait autour du cou, il prenait le fouet qu'il tenait par l'extrémité. Et donc le manche en bois donnait le poids, l'inertie de la rotation. Ok, donc ça c'est un fouet que tu utilises à l'envers? Ouais, c'est ça. Mais aussi à l'endroit, mais là on pourra pas. Là, on pourra pas parce qu'on n'a pas assez de hauteur sous plafond. Est-ce que j'ai le droit de le bien prendre sûr, et de regarder un petit peu de quoi il s'agit? On a un fouet avec un manche en bois et des cheveux attachés à la poignée. Alors des lanières en cuir, j'allais y venir. Et au bout, enfin non, à la poignée, il y a des filaments rouges. C'est quoi ça? Ouais, c'est comme au bout des lances. Ça sert à brouiller le mouvement. Quand tu bouges vite, tu vois moins précisément ce qui se passe. Et c'est lourd? Bah, non, c'est pas très lourd. Mais... lui est léger. Ah, bravo. C'était le hasard. Hein. J'essaie de faire écouter aux auditeurs le bruit du fouet. Du fouet. Ah ouais. Bravo. Non, ça, faut pas que ça me touche. Ouh. Ouais, ça fait mal, ça. Hein. Avec ça, on peut se trouer la joue et passer la langue au travers. Ah ouais. Comment? Oh bah, en se prenant un bon gros coup. Ah ouais. Non, moi, vas-y, fort. Fouette. Ouf. Bien joué. Ah ouais, reprenez ça. Attendez, c'est vraiment génial ça. Ça suffit, Muxa, tu vas tuer quelqu'un là. Ouh, t'entends comme ça claque, écoutez. On entend que ça. Quand le fouet claque, il atteint la vitesse du son. Ah ouais? 300 mètres secondes. Oh, je suis très fier de réussir à faire ça. Je peux pas te voir en peinture. Écoutez le son du fouet. Yeah. Bravo. Oh, j'ai touché le plafond. Bon, on va arrêter là. Merci, je m'amuse beaucoup en tout cas. C'est dingue. Je t'invite à tester le poids. Le poids de la chaîne? Allez. Quoi? Mais c'est petit, c'est quoi? C'est lourd? Ah, c'est un peu lourd quand même. Attends, la poignée. Ah, c'est la poignée qui est là. Ouais, effectivement. Toi, t'aurais fait un moine bras cassé. Ah ouais, là, elle est immobile. Quand elle est en rotation, ça démultiplie son poids avec l'inertie. Ah ouais, tu la fais tourner autour de toi. Ouais. Et après, tu la lâches? Non, tu la gardes toujours à la main. Si tu la lâches, t'es désarmé. Ah ouais. Putain, Barreau, teste-moi ça, cette histoire. Oh, mais c'est lourd! Ah ouais, elle est rouillée par contre. Ah ouais. En fait, à première vue comme ça, on dirait pas, mais c'est super lourd. Donc du coup, si la vitesse est, enfin si le poids est démultiplié quand on la fait tourner autour de nous, franchement ça doit être faut avoir de la force. Ouais. Faut vraiment avoir de la belle force. Analyse. La cicatrice que j'ai au sud de l'œil, c'est la pointe de cette chaîne qui m'a fait. C'est ton maître qui t'a mis un coup? C'est en s'entraînant. C'était pendant une démonstration. Ah ouais. On a des enchaînements, chaque enchaînement se termine par une posture. Et la posture, la dernière, la chaîne passe autour du corps. Ah. Et au lieu de bien passer autour du corps, elle est passée sur la tête et revenue. Et t'as eu d'autres accidents de combat comme ça, d'autres fois où tu t'es vraiment pris des raclées? Je me suis aussi coupé avec les sabres, les différentes armes d'entraînement. Oui, parce qu'on nous a dit que t'avais un sabre. Malheureusement, on est en plan Vigipirate et tu peux pas pénétrer dans la radio avec ce sabre. Mais sinon, ça nous aurait fait plaisir de pouvoir le voir. Est-ce qu'on se fait une petite initiation très rapide avec Barreau? Je vous invite à aller au centre du studio. Si jamais vous avez la possibilité de vous connecter sur move.fr, faites-le. On a le live vidéo. Sinon, il y aura les replays. Évidemment, hein, on vous mettra des petites vidéos. Barreau. Let's go. Pourquoi tu touches ton téléphone comme ça? Qui va rentrer dans l'histoire. Certainement, très certainement. On m'entend là? Ah, on t'entend très bien, étonnamment. Bon, parfait. Explique-nous, Michael, ce que tu vas faire à Barreau. Ce que tu vas lui expliquer. Parce qu'on est d'accord que tu es novice. Hein. Ouais, je suis tout à fait novice. Je débute dans le kung-fu. Très bien. Mettez-vous en face, comme ça. Qu'on vous voit à la caméra, je vais me mettre sur le côté. Voilà. Michael, du coup, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, quelque chose de très simple. Dans les arts martiaux, il y a les coups de poing, coups de pied et aussi clés de bras. Se porter des coups ici, c'est pas trop l'endroit. Et on peut partir sur des choses. Une petite clé. Une petite clé de bras. Simple. Par exemple, il peut arriver parfois que des gens, quand ils nous embrouillent, ils serrent la main, ils gardent la main et puis ils prennent la tête comme ça, tu vois. Quoi? Et bien sur ça, il y a des manières de se dégager assez simples. Ah, allons-y. Et en l'occurrence, tu vois, le mec il serre, ouais, quoi, toi, t'as pris chaud ma meuf et tout. Quoi? Il descend comme ça. Barreau est par terre, hein, pour les gens qui nous écoutent. Barreau est par terre. Hein, je te le remontre lentement. Lentement. Okay. Parce qu'il aurait pécho la meuf du moine, visiblement. Qui a été cherché sur les réseaux. Voilà, c'est ça. On la refait? Allez, on la refait, je vais tout doucement. Ah, explique tout ce que tu fais, tu serres la main. Donc là, c'est comme si on se disait bonjour, on est en train de se serrer la main. Je lâche mes doigts pour enrouler le pouce à Barreau et le tirer en bas vers le sol. Et il n'a pas le choix, parce que s'il résiste, simplement. Il va automatiquement vers le pouce. En fait, t'as passé tous tes doigts au-dessus du pouce. C'est ça, je l'ai enroulé, je l'ai maintenu, le pouce se retrouve à vertical, et en allant vers le bas, je vais vers l'arrière en même temps. Ah bah ouais, parce que s'il résiste, ça casse le pouce. C'est ça. Heureusement que t'as pas résisté, imagine. L'accident bête, bah c'est au travail. Il est tombé. Très bien, très très belle explication. On vous mettra ça en vidéo sur Instagram, hein, ça c'est important. Ça peut être intéressant de voir tout ça. Une autre petite situation comme ça, en corps à corps. Une autre situation sur une agression. Corps à corps. Alors sur une agression, ce qu'on va faire souvent, le plus simple, c'est de chercher à s'enlever de l'axe. Quand on se porte des coups, c'est comme des maths, hein, ça va du point A au point B. Donc que ce soit les mains ou les pieds, ce sera toujours en cette direction. Et nous, on sait que quand on se décale de la personne, on n'est plus dans cette direction. Ok. Et il faut considérer aussi qu'on est en France. La défense doit être proportionnelle à l'attaque. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, avant même qu'il y ait une histoire, plutôt que de se mettre en garde avec les poings, même si c'est stylé, on sait que ce sera préférable de mettre les mains. C'est comme si on dit stop, non, pas de souci, arrête. Plutôt que de se dire, ok, c'est bon, c'est parti, on se la met. Ok. Voilà. La défense avant l'attaque. Paro, tu joues moins le malin, j'ai l'impression. Ouais, à la base, je voulais un combat à mort. Mais t'allais mourir, c'est tout ouais, ce que voilà, je dis. Du coup, quelle situation tu voudrais qu'on mette en place là pour pouvoir nous faire une petite démonstration? T'as besoin que je te tienne le micro peut-être? Tu veux dire avec Barreau ou je te montre avec Barreau? Avec Barreau, avec Barreau. Oh, non, avec Barreau, bien sûr. C'est toujours plus drôle. Mais toi, tu prendrais pas ce genre de risque, toi. Bah, je suis pas là pour ça. Ah bah Barreau ouais. a demandé, Barreau a réclamé. Vous inquiétez pas, je suis un sportif, moi je suis assez athlétique. Si on se met dans ce sens-là, est-ce que c'est possible? Bien sûr, on peut. Le mieux, c'est que toi, tu sois là. D'accord. Alors, on sait qu'en général, quand on va porter un coup, on aura toujours une distance. Premièrement, si je suis là, même si je mets toute la force que j'ai, ça passera pas grand-chose. Il y a ce qu'on appelle rentrer dans la zone. C'est-à-dire, quand on rentre, même si t'as pas cogné, la personne est déjà partie. Et là, tu vois, ça a été lent. Mais on sait que souvent, on garde les distances, on va esquiver. Mais nous, on sait que ce qu'on va chercher à faire, c'est rentrer, pénétrer. Donc là, si vous avez pas les images, Michael est clairement rentré dans la zone de Barreau. Il est rentré dans ma zone. Clairement. T'as senti l'impact? C'est ce qu'il a fait. Bah en fait, c'est comme pour le pouce en fait, ça me fait reculer automatiquement genre. Tu peux rien faire. Parce que là du coup la deuxième fois qu'il l'a fait, j'ai essayé de résister un peu pour voir, mais ça me fait reculer. Il est déjà dans toi. Et tu vois ce que j'ai fait, c'est que dans les arts martiaux, à Shaolin, on s'entraîne aussi contre les arbres, c'est-à-dire les épaules, le dos. Ouais. Et toi, quand je suis entré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas mis un coup de poing, un coup de pied. Ouais, c'est l'épaule. C'est parti comme ça. C'est tu vois. Et encore, là, on est comme ça, mais en réalité, les gens, quand ils sont en embrouille, qu'ils se prennent la tête, ils vont toujours avoir un pied devant et un pied derrière. Ouais, tu vois. Et là aussi, t'as autre chose qui va avec ça. Tiens. C'est-à-dire que là, quand il est dans sa garde avec un pied devant, pied derrière, il y a le côté où je suis face à son torse. Et là, face à son dos. Quoi qu'il se passe, tant que je suis face à lui, lui pourra toujours me toucher et me cogner. Ok, donc encore une fois, c'est l'axe. Il est fini. Il est fini, il a dit. Si je lâche, il est fini. Donc là, tu t'es inséré sous son aisselle, si j'ai bien compris. En fait, il y a deux choses. Là, quand je suis tu passé, tires le doigt. Ah. Il y a la jambe derrière la sienne. Il sans rien faire. Barreau par terre, allez, un peu de plus. En fait, il se place dans des endroits où il peut manipuler mon corps à sa guise. J'aime beaucoup. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. La force sans force. Ah, non, franchement. Le mouvement naît de l'immobilité, la vitesse naît de la lenteur. Si on est tout le temps contracté, tout dur, on perd notre force. Si on est tout relâché, on n'a pas non plus. C'est dans le compromis entre les deux. Comme t'as fait avec le fouet tout à l'heure. Toi, c'est quelque chose, il est tout relâché. Mais t'as mis de la force un moment pour la relâcher à nouveau. Ouais, ouais. Ah, toi, c'est ce qu'il faisait Bruce Lee aussi. Ah bah, c'est mon école. Quoi? C'est mon école. Je te laisse te rasseoir, Michael, merci. Attends, ça, comme tu disais Bruce Lee, si tu veux, tiens, je te laisse tenir le micro, comme ça t'entends le bruit. Et toi, comme on disait avec le fouet à l'instant, entre le relâcher et le tendu, ben ça. Ouf, vous avez entendu le bruit ou pas? Est-ce qu'on a entendu le mais bruit dans le micro? Bah, je pense bien, parce que j'ai bien entendu le bruit. Je vous l'affirme. Hein. J'aimerais bien. On pourrait refaire encore une fois? Il faut commencer relâcher. Donc, on commence relâcher. Et on. Je vois des éléments flotter en l'air. Et est-ce que ça marche avec une manche un peu plus serrée? Donc là, Michael remonte ses manches. Ouais. Je vous rappelle qu'on est avec le seul moine Shaolin français, le seul moine Shaolin occidental si vous venez nous rejoindre. On est c'est en pleine démonstration de Kung Fu. Une démo de Kung Fu en plein milieu de notre studio et Barreau fait office de cobaye. Ça fera pas le même aussi fort qu'avec la manche, mais tu me dis pas quelque chose. Écoutons un peu le... Bah ouais, on entend quand même. Vous avez entendu? Ouais. C'est le vent que tu entends. Ouais, mais c'est genre, c'est le vent que tu entends. Il y a un mouvement super rapide. Ah bah ouais, oui, tu on m'entend. Tu te dis que tu le prends, tu meurs. J'essaie depuis tard, je regarde sa main. Sa main est pas contractée. De ouf. Genre, c'est quand quelqu'un vient, il te met une droite, tu vois, genre, il vient avec le poing, tu sais, vraiment très serré. Là, on dirait qu'il est limite ouvert, mais il est fermé un peu. Je sais pas, c'est. Il y a encore relâché. Des ressources, c'est ça que tu veux nous dire. Je te laisse t'asseoir, Mickaël. Viens t'asseoir. Quelle démo. Merci beaucoup pour la démo. Bah ouais. Plaisir, merci. C'est pas évident. Hein. Je non, pense ça a pas que l'air je vais évident. Te suivre en Chine. C'est à 3. Ça sert à rien d'aller si loin. Oui, c'est à 3. On rappelle, Mickaël, que t'as une. Ce qu'on appelle ça une école. Un centre ouais. Centre qui est situé à Troyes dans l'Aube. Bon, c'est pas si loin de ça que de Paris. Et puis, de toute façon, on nous écoute dans la France entière. C'est où exactement? C'est à Sainte-Savine. Ok. Donc, un rue du Commandant Guilbeau, 10300 Sainte-Savine. Je vous reçois donc dans le troisième trésor de Shaolin pour vos troubles du sommeil, troubles digestifs, stress, angoisse, anxiété. Pour le deuxième trésor de Shaolin, le Kung Fu, le Tai Chi, le Qigong, et pour le premier trésor de Shaolin, la méditation et les enseignements qui permettent d'élever le niveau de conscience. Est-ce qu'il y a un site internet ou un Instagram? J'étais sur Instagram ou pas? Instagram, Facebook, ouais. Shaolin et Yen Yo, qui vient de mon nom Shaolin, Shu Yen Yo. Okay. Yen Yo, tu l'écris comment? Yen. Yanyou. Magnifique. Bon, allez suivre Mickaël, et si vous voulez en savoir plus sur tout son parcours, parce qu'évidemment on n'a pas pu tout résumer, mais il y a un livre qui le fait très bien, 3 ans à Shaolin, t'as passé beaucoup de temps là-bas avec ton maître, comme tu le disais, et à apprendre ce que t'es aujourd'hui en fait, hein, finalement. On est moine Shaolin à vie, ou tu t'imagines une vie sans ça maintenant? Tu sais, c'est comme celui qui a été légionnaire pendant 10 ans ou 20 ans, quand il revient dans la vie civile, ce qu'il a fait dans le passé, ça le quittera jamais. Peu importe les habits que je porte, à l'intérieur de moi, dans mon cœur et dans ma tête, il y aura toujours mon histoire et ma personnalité qui aura été influencée par mon parcours à Shaolin et la pensée de mon maître. C'est beau. J'aime bien comment il finit ses phrases. La tenue, on n'en a pas du tout parlé. Est-ce que c'est ta tenue de tous les jours ou tu t'habilles des fois comme nous? Alors quand je suis au centre, je suis toujours comme ça. Ouais. Dès le moment où je suis dans la rue, je vais être en civil. Ok, d'accord. Mais même si je suis en civil, ça va être un petit haut traditionnel chinois. Tu vois, okay. Ce qu'on appelle col mao. Col mao, le fameux. Ouais, je suis bien, c'est mon identité. Très bien. Ok, merci beaucoup Mickaël d'être venu nous voir. En tout cas, 3 ans à Shaolin, c'est le livre de Mickaël Renaud. Allez, choper tout ça, on vous mettra les liens d'ailleurs. Et il y a le replay qui sera dispo si vous avez pris l'émission en cours. On va vous mettre des vidéos quand même parce que la leçon de Kung Fu avec Baron, c'était quelque chose. Et en plus, on apprend des choses. Ouais, j'ai appris un truc là. Très, très bon. Merci beaucoup Mickaël en tout cas. Merci à vous. À très bientôt. On va se faire un petit peu de son. Il y a Kerry James, c'est un trop bizarre avec Alonso, Sadek et Koff, ce qu'on écoute maintenant dans Bang Bang sur Move. Pré-feu action E5, A7, recette, pesette, 5, CZ, pas de jet set, rose bed. Je brûle un 500 polémique, sur un 1200 colérique. Y'a des Schmitt dans le périmètre. Oh oh, qu'est-ce que t'as? Fais pas de traître. C'est la vie de Tess, mais les gants. On se croirait dans un western américain. On se croirait dans un western américain. Ça fait ça pour la plata, évident. On se fait saut avant le groupe. Dubaï, Espagne, Marrakech. Et dès que ne me manquera, à part mer. Et dès que ne me manquera, à part mer. Déterre, sa guerre. Du rooftop, ma gun. À part les coronesses, hey, tous assiettes. Et si t'as trop la bouche, tu peux tout gâcher. Déterre, sa guerre. Du rooftop, ma gun. À part les coronesses, hey, tous assiettes. Et si t'as trop la bouche, tu peux tout gâcher. C'est des banlieues, or y'a les cifs dans le secteur. On court tellement qu'on a des points d'au cœur. C'est trop bizarre, les mêmes têtes dans le viseur. Voilà, c'est trop bizarre, les mêmes têtes dans le viseur. A7, A4, 1-3, 9-4, médecin, avocat. On n'est pas bon qu'à manier le AK. Qu'il le veuille ou non, on sera les bêtes. On a nos codes, nos valeurs et nos principes. Je peux réussir, mais jamais sur mon flûte. Je peux mourir ou te gâcher en 2 minutes. Percé, brassé, dans l'illégal, tu te fais repasser. Faut avancer et rectifier le tracé. Nos mères ont déjà pleuré assez. Faut s'en sortir malgré les tensions. Le mal t'attire jusqu'à la détention. Quand y'a la bac, petit frère, attention. Quand c'est le bac, c'est mention. Abusé, on est là pour les traumatiser. Ça vim vim du velvé. On les fait baliser. Abusé, on est là pour les traumatiser. Banlieues organisées, y'a que ça qui les fait baliser. C'est les banlieues, ça, les flics dans le secteur. On n'aime pas les clochards, les hackers, la petite sœur. C'est trop bizarre, les mêmes têtes dans le viseur. Je jure, c'est trop bizarre, les mêmes têtes dans le viseur. Oui, c'est les banlieues, ça. Pas le bloc comme on tient une clope, non, on tient les clopes et les envieux. Si ça te shoot, tu auras non-lieu. Le très bon pavé en banlieue. de la clientèle, du rien sensationnel. Je n'apprécie pas les crashs en bécane, sauf si c'est la barre bleue. Fille de droite, je roule à 80. Je ne suis plus un gosse, je suis en route pour venir te chercher. Même si tu te caches à Saragosse, c'est la thèse, chacun pour ses poches. Ses proches, ça s'accroche. Dehors, c'est atroce. Y'a pas de justice en France. Si un gosse touche un Condé, c'est direct le tribunal. Mais si le Condé fume le gosse, le Condé prend 500 000 balles. Vive la thèse, la capitale, ça joue que les finales. Et aux prochaines élections, on votera Zinedine Zidane. C'est banlieue, ça rien, les Schmitt dans le secteur. On aime pas les clochards qui parlent mal au serveur. C'est trop bizarre, y'a les mêmes têtes dans le secteur. J't'ai dit c'est trop bizarre, y'a les mêmes têtes dans le secteur. Wesh la team, soyez pas déçus. Alerte les poteaux du Jax. Sur ce son, j'vais pas être vulgaire. Ashum, là y'a Kerry James. Passons à l'essentiel. J'ai rangé le 357. J'ai vécu d'un 205. J'suis pas vieux, j'suis un ancien. Reste assis, reste tranquille. Avec un album en rempli persif. J'prends l'étoile avec Basile. J'fais des films avec Taïlasi. J'passe par la nation en 2-2. Y'a trop de radars dans la L2. J'peux tout pourtant, j'suis MR2. J'appuie sur la cachette, pas sur R2. Marseille, voyou, bingo. Transact, discret, twingo. Spagna, Guldo, Rico, gringo. Netflix, lingo, lingo. Marseille, voyou, bingo. Transact, discret, twingo. Spagna, Guldo, Rico, gringo. Netflix, lingo, lingo. J'ai les banlieues, y'a pas que des voyous, des braqueurs. On a des baveux, des docteurs. Regarde-moi, j'casse tout en acteur. Banlieues, hyper monsieur le procureur. On va pas se rabaisser à vous, nos origines sont nos valeurs. Oui, c'est des banlieues. Événement Move. Hip-hop symphonique est de retour pour une 8e édition le jeudi 2 novembre à 20h à l'Auditorium de Radio France avec Kaina Samet, Renisia, Taïk, Thury et Werenoi. Sous la direction artistique d'Issam Krimi, accompagné par The Ice Cream et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dylan Corley. Un concert Move avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'Adami. Le Crédit Mutuel, parrain de toutes les musiques, donne le la à Hip Hop Symphonique, jeudi 2 novembre. Pour obtenir vos places, connectez-vous et inscrivez-vous dès maintenant sur move.fr. Won't you crawl up in this bed with me? Get cozy up in these sheets, girl. Turn whatever you please, yeah, yeah. Look, I'ma keep it simple. If you could take this invitation and just come over to mine, I'll let you decide if you wanna just say so. Through the night, just me, yeah. Attempt to guide your mind, baby. Can't say it's a child, yeah. I just wanna get close to you. All I wanna do. Counting 3, 4, 5 and really my chair, we vibing. Getting paid so I can treat you to a fine and dining. Yeah. Know we ain't sure for damn rich for you to come over. Owner by my company, kid, I know you gon' pop. I make it just one more reasons. My upside, my man, I don't try, yeah, yeah, yeah. Shed it on our connection, do you feel inside? Baby, it's the love, so now I like it. Your mind, baby, can't say it's a joke, yeah. I just wanna get close to you. All I wanna do is take you on my plane. Change the motor get so recycled in Bosucho. Oh, not again, Sandra Malja, Bok Jap, Moris, so get so chum. I get on Sulwang, Maka, so far, it's a cozy and atmosphere of jealousy and Sangwang, it's a good don't take it personal. Chagam says, Sangar Bosona, Kongane, Pungyong, goes on up, get you good day, one jump, but that's awesome of she. So don't a munch, munch, driving, drum, young, a lot, it on that, your mom got a little. Hola, Tachare. Stay through the night, just me, yeah. Attempt to guide your mind, baby. Can't say it's a child, yeah. I just wanna get close to you. All I wanna do is take you. celebration, a celebration, celebration. Get your hesitations, let me show, let me show. Got a hesitation, a celebration. All I wanna do is take you to my place. On est sur Move, merci d'être avec nous les amis. Bah ouais, hein. C'est bang bang hein. Move. Allez, nouvelle heure qui démarre maintenant, il est 18h, j'espère que tout va bien pour vous, vous sortez du taf. Bah vous tombez bien, il y a du mix qui arrive là. Move. Bang bang bang bang. Move. Bang bang. Move. Jusqu'à 18h45. Bang bang. Avec Muxa, Olivia et Baro. Et c'est la tradition, chaque émission, on la termine par 45 minutes de mix, 45 minutes de mix avec les morceaux que vous avez envie de passer. Si jamais c'est le cas, vous nous faites un petit message, hein, vous envoyez ça sur Snap, Move Radio tout attaché, ou alors WhatsApp le 06 11 11 59 98. On balance vos morceaux sans aucun problème. Qu'est-ce qui se passe, Olivia? Rien. T'as reniflé dans le micro là? J'aime bien entendre le numéro de WhatsApp. 06 11 11 59 98. Genre en mode, elle l'entend pas tous les jours et tout. Non, elle l'entend plusieurs fois par jour, elle le dit, mais elle s'en lasse pas et c'est ça qui est beau. La passion pour le job. La passion ouais, pour communiquer avec les gens, c'est bien, on aime beaucoup. 45 minutes de mix, on y va maintenant. Vous avez un délire en particulier, un truc que vous de voulez la non, de la toi, trappe libre, libre à toi, libre à moi. Libre allez à toi. Ça tombe bien, vous savez quoi, on y va en total freestyle. On allez, est parti, on perd pas de temps, let's go. Merci d'être avec nous, c'est Bang Bang. DJ Muxa, et tu kiffes. Just want to love, I want to kiss, I get it. Just want to tell her that she look too pretty. It's a smile, it's a vibe for me. I never seen nobody pass my pretty. If they try to chat, then I say she with me. It's a smile, it's a vibe for me. Nobody else, she my pretty kitty. So don't you run away, I want you to stay. I hope we can go someplace far away. If you give me your heart, in the ends, I'm the boof daddy, boof daddy. Yeah, done now, yeah, done now. Wouldn't some tremendous dress code horrendous. Making six figure moves, we got different agendas. This my house, don't wear your preps on my carpet. Life of a misfit, broke nigga forfeit. Four figure outfit, three course meal. I put my money where my mouth is. No two ways about it, let one nigga doubt it. 20 in a mattress, niggas couldn't match this. This is just practice. Oh, now I'm getting paid, did I mention? They never used to pay no attention. Nowadays I hate the attention. Nah, let me be honest, I love it. Spent yesterday's profit and think nothing of it. I know one thing for certain. You better keep your eyes peeled, I'm lurking. Cause I told the city and I had it suddenly. And if I pull up, then it's curtain. I ain't had a good night's sleep since God knows when. Keep your eyes peeled, I'm lurking. When you hear the bad night, you know that money had me riding brutal. Move. Tu compares for the result, oh. Cause I get winning by DJ Muxa. I'm a mamma mia, be a tonto. I no go feed the girl, I no go feed the girl, is auto. I'm a mind that's you get talk. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, I know holy and I know that kebo. Like the baba fryo, my ayo. You don't cry, yo. You go out for the result, nothing to discuss, cause I didn't win by default. I'm without any doubt, oh. I'm a me, I be a doubt, oh. I no go feed the girl, I no go feed the girl, it's out, oh. My mind is really dark, oh. I put my life into my job and I know I'm in trouble. She manipulate my love, oh. I know holy and I know that get bold. Like if I babra, yo, my yo. Don't cry, yo. Tu sais bien qu'on fait mentir, même sans parler. Comme un shooter, moi je tire quand je suis pas à l'aise. Dis-le-moi, mais sans mentir, je te ferai parler. Même s'il y a plus rien à dire, viens me parler. C'est toi quand même, et j'hallucine. Prise au piège, en crise de jalousie, je voulais pas. Et quand ça ira mieux, fais-moi signe. C'est pas tes mots doux qui vont m'adoucir, je sais que c'est pas vrai. Et si tu veux jouer, on testera. Et si tu veux jouer, on testera. Et si tu veux jouer, on testera. Et si tu veux jouer, on testera. J'attends pas, je l'élimine. Bébé, non, faut que je me canalise si c'est toi. Tu connais pas mes limites. Bébé, non, faut que je me canalise si c'est toi. J'attends pas, je l'élimine. Bébé, non, faut que je me canalise si c'est toi. Tu connais pas mes limites. Bébé, non, faut que je me canalise si c'est toi. Le charme avait son effet. On verra, verra qui fera le premier pas. En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, plus c'est trop ma cam, oh non. Qui va me ramener des problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais quand c'est piment. Tu vas plus les autres quand je suis dans les parages. Par mes formes, toi t'es un voûté. Tu t'en fous des autres, tu me dis fais-moi câlin. Par mes formes, toi t'es un voûté. D'ailleurs mannequin, mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, kiffé la dégaine. Mannequin, mannequin sans force. T'es malade gaine, t'es malade gaine. Et si ça brille, je peux pas t'expliquer. T'es malade gaine, t'es malade gaine. Mannequin, mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, t'es malade gaine. J'éclaire une flamme qui effrayera les pompiers. J'ai cœur de pirate toujours sur le chantier. Du sel en moi là j'en connais les dangers. Ton mec rêve de faire le mêlé, moi ça fait des années que je l'ai fait. Alors j'ai pris ton numéro chez la cousine des dialogues. Elle m'a dit que t'es un Joe, mais que tu préfères les salauds. T'aimeras me détester. Je te ferai du sale, je vais pas te respecter. Mal à mon préféré, je suis en charisme. T'es malade gaine, t'es malade gaine. Marchant dans le machin plein de salive. T'es malade gaine, on va se sexter. D'ailleurs, mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, kiffé la dégaine. Mannequin sans force. T'es malade again, t'es malade again. Et si ça brille, j'peux pas t'expliquer. T'es malade again, t'es malade again. Mannequin sans force. T'as kiffé la dégaine, t'es malade again. Got me cut right from beginning. Bounce that booty down, wiggle dim. Why you always can't dance for the beat? In the middle of the night, I go put in the heat. Whoa, whoa, baby, so my baby. 10 liters, I go put on in it. I'm always time, let go, make we can be a bitch. Show my better for me. How about we do this one more night? And that's the reason I can get you out my head. How about we do this one more night? Show my better for me. My bed. How about we do this one more night? Show me one more night. Show me one more night. I'm gonna do the DJ Musa. I swear you're like the oxygen I need to survive. I'll be honest, I'm loving the bottom in me. I am so obsessed, I want to chop your heart. I'm a need a back and it's I think I call you some more. Yeah, you leave me no choice, so very soon I'll go up here for your dumb mark. And you had that tight dress on when I saw you last night at the club. Even though I had my dark shades on, I was looking at you all night long. I'm in the middle of the street. How did I ever let you leave? Oh no, why did I drink this Hennessy? And I don't know what come over me. And I just wanna make me come body. Don't want to lose you to nobody, no. My body no go free. And I don't know what come over you. As you see me, so I know about you. I swear to God, you can come out too, oh. You can come out too. Est-ce que tu sens cette énergie? Je le ressens dire ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pipi. Yeah, baby don't you go nowhere. Freeze, even though you get what you want, say please. I can put a date on it, say when. Spinning friendships, baby scream we we. I'm out shawty, I be the man. She coming toward me, catching on. Pull over, how crazy you drive me. I make promises to call. Mais moi, je marche à l'instant. Est-ce que tu sens cette énergie? Je vais ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pipi. C'est qui? C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pipi. Oh, Nakamura, à l'instant c'est cuit sur Move. Merci d'être avec nous en plein cœur d'un mix de 45 minutes comme tous les soirs de 18h à 18h45 en plein cœur. À et l'intérieur. On se la coule. C'est de la putain de régalade. C'est ce qu'on appelle un cœur coulant. Mais ça va pas. Ah oui. C'est quoi un cœur coulant? Un cœur coulant? Ouais. Bah, c'est pas un gâteau avec le cœur à l'intérieur coulant, quoi. Comme un fondant chocolat. Un fondant chocolat. Ah ouais, attends, tu vois chocolat, moi je voyais bien un œuf bien coulant. Ouais, ouais, bah ça marche aussi avec ça les œufs, ouais. À partir du moment où ils sont pas trop cuits, du coup. Voilà. On parle combien cuisine de minutes et musique. À peu près? Oh, pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de minutes, hein. Merci, Muxa. Pas beaucoup de minutes. Vous êtes sur Move, on parle pas cuisine, on parle musique ici. On parle un peu de tout. Pourquoi? Bah, la musique, c'est pourquoi un peu on est le PMU de la radio. Exactement, Baro. Vous avez juste un petit mix comme ça qui dure jusqu'à 18h45. Il nous reste 30 minutes. Merci d'être avec nous. En tout cas, où que vous soyez, vous sortez du taf. Vous avez bien fait de vous connecter sur Move. Il y a du son mixé ici et il n'y en a pas sur les autres radios. Il n'y a aucune radio à cette heure-là qui diffuse du son voilà, en mode c'est, mix ça, avec c'est un factuel. DJ. De toute façon, on est aussi la seule radio qui passe aucune publicité. Et exactement, c'est Olivia. Factuel. Alors, ouais, ouais, vous devez vous taper le PMU. Mais. Ah, bah oui. Il n'y a pas de publicité, ça fait plaisir. Y a-t-il une autre radio dans laquelle on peut écouter le PMU? Ah, aucune! Parce qu'on rêve tous de savoir ce qui se passe dans ces pièces-là au PMU. Tu passes devant, il y a plein de monde. Tu sais pas c'est le brouillard. Disent, c'est en même temps, ils sont à l'aise et un peu inquiets. Tu te poses vraiment beaucoup de questions. T'es déjà rentré dans un PMU, toi? Bien sûr, plein de fois. Quoi? Bah, pour jouer au tiercé. Pour jouer au tiercé. Genre, est-ce que Muxa a l'air de quelqu'un qui n'est jamais rentré dans un PMU? Je pourrais pas dire ça. Je déteste parler des choses que je ne maîtrise pas. Et je peux te dire que nous, c'est bien. Le PMU. Ah ouais? Mais j'ai vérifié. J'ai plus envie d'aller. Ah, on dit pas n'importe quoi ici. Bah vous savez tout quoi factuel, hein. On va s'en jeter un dans un PMU quand vous voulez. Et on choisira le bon PMU. Wesh. Un bon vieux on ferait PMU. On fera pas un petit reportage? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me plaît. Et pourquoi pas un jour faire l'émission en direct d'un PMU? Oh, ça y est. Oh ouais, je suis chaud. Ah, allez, ça, voilà. C'est une bonne ça, idée. Ça, ce serait notre apogée. Ah, ça le but de toute une vie. Bon, si vous arrivez, c'est bang bang. Vous êtes sur Move et il y a du mix et ça continue maintenant. Every night we bang your radio. Say you're bad from which part? Tell her pussy we no one deep dog. Like Chinese wise so the clip tall. Show it up and make you fall from your diss tag. You know one on a discard, man a big dog. I saw you disappear as if I never did ban. Me no walk up a kilo, me no just a sing song. With the people your mother tell you keep fam. Z-Tech full of bam like Islam. And if you with me kike, me know the enemy. Them a pee and me know they not sorry for me. People a ball and a skin, cause we bad than we mean. Bloody crime scene, calamity. I saw we shoot out green, figure Canada G. Make them have a experience, no gravity. And tell a pussy we no laugh, we no take that. For your little people are dead dog. You should have keep in your bed cause the Taliban's them a make quack. We no laugh, we no take that. Badness are what we end us. We no show people feeling up in a red grass. No Taliban's like them near, we are sure guns. Make you no sleep at your yard in a 4 months. And so we make people a moan out. Like y'all get fucked down a whole house. Laugh bars full of kids that me sure about. And if you see me travel with a 9X. And none of no politician with me, I go vote out. 4 kilo, 4 seat and 4 rounds. Remember me born Kingston. The love party forget love drink rum. AK shit like a Jada Kingdom. Everything I get fucked like strip club. So me stay sharp. We no play that. We get it one time in a the same spot. Like iPhone where your ear drop. I'm gonna give a fuck if I no be a bop. And if you with me kike, I mean no the enemy. Them a pee, I mean no they're not sorry for me. People a ball and a skin, cause we bad than we mean. Bloody crime scene, calamity. That's how we shoot out green, figure Canada G. Make them have a experience, no gravity. Move. Tell a pussy we no laugh, we no take that. For your little people are dead dog. You should have keep in your bed cause the Taliban's them a make quack. DJ Muxa. Everyone falls in love sometimes. Everyone falls in love sometimes. I don't know about you, but it ain't a crime. Everyone Memory from God, blessings we send to the ghetto youth. Them we a take the thing high from low. Mr. Boy, them